C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Vous pouvez lire mes commentaires de disque sur les sites de Centre Art, www.centreart.qc.ca, Québec Pop via le québecpop.com et aussi ma page Facebook de Canrock, CANROCK, bien entendu. Cette semaine, un album assez exceptionnel, Eternal Cycle de Gentian MG Trio. Révélation ici, Radio-Canada Jazz 2018, le Gentian MG Trio nous présente Eternal Cycle, un univers jazz captivant avec ses contrastes enchaînés et une richesse sonore fort appréciable. Premier élément qui ressort dès l'écoute initiale de cet album-là, eh bien, c'est la chimie et l'énergie commune des trois membres de la formation. Gentian MG est au piano, Levi Dover à la basse et Louis-Vincent Hamel à la batterie nous démontrent une belle fluidité musicale qui confirme avant tout le plaisir de jouer ensemble. De Dissociation qu'on va entendre dans quelques instants jusqu'à la dernière pièce, K.O., eh bien, on nous offre des contrastes rythmiques et mélodiques qui s'harmonisent bien ensemble et qui forment vraiment un oasis jazz des plus réussis. Je vous donne une adresse, bien sûr, pour aller voir son univers, la découvrir et vous procurer son album, gentianmg.com, gentianmg.com. On va y aller avec une première pièce, c'est la pièce qui ouvre l'album et ça vous donne vraiment le son, l'univers, la magie de l'album. Voici Dissociation, Gentian MG Trio. Thank you. Quelques pièces que j'ai bien aimées sont la pièce titre Eternal Cycle pour ses intensités progressives tout au long de l'extrait. Il y a In Another Life qu'on va entendre dans quelques instants pour le tempo rapide de la batterie de la basse en contradiction avec un piano plus modéré. En bout de ligne, encore une fois, une belle intensité des trois musiciens. Il y a aussi Green Ashes qui, selon moi, est la pièce maîtresse de l'album, une longue ballade jazz moderne, tout en retenue, tout en douceur. Finalement, War 99, qu'on va entendre en fin de commentaire, qui nous confirme un peu l'influence du style de Gentiane MG Trio, ce qu'on appelle le Third Stream, dont certains maîtres sont les John Lewis, Bill Evans et Kobe Arad de ce monde. Voici tout simplement une autre excellente pièce de cet album-là, Eternal Cycle de Gentiane MG Trio. Voici In Another Life. Révélation, ici Radio-Canada Jazz 2018, le Gentiane MG Trio avec Eternal Cycle, c'est l'album. Et la pièce qu'on vient d'entendre, excellente pièce que j'adore énormément, In Another Life. Eternal Cycle du Gentiane MG Trio a tout le mérite d'un album jazz moderne réussi, prenant ses influences dans le style Third Stream. Cet opus nous offre également un beau travail au niveau des compositions, offrant un bel univers sonore pour l'auditeur qui écoute cet album-là. Vraiment, là, c'est une jeune compositrice jazz à découvrir. Je vous donne une adresse comme ça. Allez voir, allez visiter son site internet, vous procurer son album si vous aimez le jazz. Vous allez adorer ça. C'est tout simplement gentianemg.com, G-A-N-T-I-A-N-E. mg.com, gentiane.com pour découvrir son univers. On y voit qu'une dernière pièce, une de mes favorites également, c'est vraiment bien fait. Voici War 99, Gentiane MG Trio à Canrock. Gentiane MG Trio avec Eternal Cycle et la pièce War 99. Excellent produit qui risque fort bien de se retrouver dans mon top 10 de l'année. Vraiment un album très intéressant qui s'écoute sans retenue. On part la première toune et puis, oups, c'est rendu la fin de la 10e chanson ou la 10e pièce instrumentale, si vous voulez. Ça s'écoute là, d'un trait. C'est vraiment bien enregistré, bien fait. Donc, un bon produit, Eternal Cycle, Gentiane MG Trio. Si jamais vous connaissez d'autres personnes qui ont des albums instrumentaux comme ça, d'autres artistes francophones qui ont des produits instrumentaux ou instrumentaux de qualité, bien fait, bien, laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, recevoir leurs produits, sûrement le faire tourner et en faire un commentaire de disque. Donc, c'est vraiment très intéressant, la musique instrumentale. Bien sûr, avec de longues pièces comme ça, ça l'a réduit notre première partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario qui commence maintenant. On va rester dans l'univers jazz, si vous voulez bien, avec tout simplement Janie René. Bon, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une artiste à connaître de l'Est de l'Ontario. Elle a deux albums, Les Valises et aussi L'Éden est un bazar, dont j'ai retiré la pièce qu'on va entendre dans quelques instants, L'Embuscade. Très, très bonne chanson, très rythmée, très jazzy. C'est vraiment bien fait. Et je sais qu'en ce moment, il semble, en tout cas, ce que j'ai entendu parler, elle travaille sur un nouveau projet qui serait de reprendre des classiques de l'Ontario français, mais en jazz. Ça peut être intéressant, oui. Donc, on va l'entendre, bien sûr, je sais qu'elle est très populaire en Europe. Elle a fait beaucoup de spectacles, entre autres en Belgique, avec son trio, et puis en France, quelques spectacles en France aussi. Elle a fait des spectacles en Martinique également. Donc, c'est une auteure, compositrice, interprète de grand talent, pianiste. Vraiment, elle avait gagné Ontario Pop, je pense, dans les premières années. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que c'est la première année même. On l'écoute. Voici Janie René avec la pièce « L'Embuscade » tirée de son album « L'Éden est un bazar ». collectionneur de destin. Mon cœur est à la mode, en quête d'un nouveau chagrin, d'une nouvelle embuscade dans mes méandres féminins. J'ai mis du sable dans les crins, juste là dans ma mémoire, ton nom griffonné à la main. Passe un peu chaque soir, tu fus ma plus belle aventure et mon plus beau tourment, une aimable rature au fil de mon roman. Mon cœur est un nomade, un peu bohémien, pèlerin de l'escapade, collectionneur de destin. Mon cœur est un nomade.